Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, qui est assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct le lundi 8 octobre de 18h à 21h, en différé le mardi 9 octobre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à radiocourtoisie@radiocourtoisie.net. Merci Marie-Françoise. Bonsoir chers auditeurs qui nous écoutez en direct. Bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin. Bonne nuit à ceux qui nous écouteront à 2h du matin. Je salue la présence dans le studio du professeur Paul Dehevels, que vous connaissez déjà, chers auditeurs. Il est intervenu plusieurs fois à cette antenne. Le professeur Paul Dehevels, mathématicien, statisticien, membre de l'Académie des sciences. De Jean Ladic, professeur émérite de physique de l'Université d'Angers. Et de Jules Leveugle, ancien élève de l'École polytechnique. Nous allons parler de la théorie de la relativité. Nous ne ferons pas concurrence au Libre Journal des Sciences, parce que, rassurez-vous, chers auditeurs, pour cette émission grand public, bien que j'ai invité d'éminents spécialistes et auxquels va s'ajouter Jean-Paul Auffray, qui sera au téléphone dans quelques minutes, un physicien de haut vol, lui aussi, nous allons, en fait, plutôt raconter un roman presque policier, enfin, nous allons raconter l'histoire d'une théorie plus que la théorie elle-même, ce qui serait abscond de toute façon. Pour ceux qui seront plus exigeants, qui voudront en savoir plus sur la théorie de la relativité elle-même, qui s'intéressent aux théories physiques, eh bien je leur citerai les références des ouvrages de nos amis. Mais nous allons nous intéresser non pas à la science elle-même directement, mais à l'histoire des sciences. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer la mémoire de Serge de Beketch, notre cher ami Serge de Beketch, qui nous a quittés samedi soir, qui nous a quittés samedi soir, à 23h10, enfin un peu avant minuit. Vous avez été nombreux à apprendre son décès. Il est mort à l'issue d'une très longue et très douloureuse maladie, mais il est mort après avoir reçu l'extrême onction il y a quelques semaines, entouré des siens, de sa femme et de ses deux enfants qui l'ont entouré jusqu'au bout. Et bien sûr, l'émotion est immense parce que, pour moi personnellement, Serge de Beketch était devenu un ami. Vraiment un ami proche depuis un an. Je le connais depuis longtemps, mais j'avais des relations un peu compliquées avec lui parce que Serge était une personnalité forte et complexe. Cependant, depuis un an, depuis que Jean Ferret a disparu et que j'ai été amené à prendre la direction de Radio Courtoisie, eh bien, j'ai pu compter sur Serge de Beketch qui m'a aidé à faire survivre Radio Courtoisie, à garder le cap et à lui permettre de triompher des épreuves multiples que je vous raconterai peut-être un jour. Alors nous allons consacrer toute une émission mercredi prochain, ce sera le dernier libre journal de Serge de Beketch, donc en direct de 18h à 21h avec les rediffusions que vous savez, qui sont les mêmes que les nôtres à deux jours près. Donc mercredi prochain dans deux jours de 18h à 21h. Le dernier libre journal de Serge de Beketch qui sera dirigé comme il était prévu avant sa mort par Bernard Anthony, sera consacré entièrement à la mémoire de Serge. Et je pense que vous serez nombreux à l'écouter et nombreux à comprendre que Serge de Beketch a voulu que la radio continue après lui, la radio qu'il a fondée avec Jean Ferret continue après lui. Notre radio a été très, très, très éprouvée depuis un an. Le 5 août 2006, Jean Ferret est entré à l'hôpital et il y est mort le 10 octobre. Christian Langlois, qui était moins connu des auditeurs, mais qui était quand même l'ancien président de la radio, un grand ami de Jean Ferret, président d'honneur, est mort le 5 août. Et donc, Serge de Beketch est mort le 6 octobre, presque un an après, un peu moins d'un an après Jean Ferret. Jean Ferret, dont nous célébrons, dont nous commémorons plutôt la disparition mercredi prochain, justement le jour de cette émission. Et nous aurons une messe à 19h jeudi prochain à la mémoire de Jean Ferret. Et je ne peux pas encore vous dire quand auront lieu les obsèques de Serge Lebecquetch. Dès que nous le saurons, eh bien, ce sera dit régulièrement à l'antenne, enfin de très nombreuses fois, pour que vous soyez très nombreux, vous qui êtes à Paris ou qui pouvez venir à Paris, à venir prier ou tout au moins vous recueillir autour avec la famille de Serge Lebecquetch, à la mémoire de Serge Lebecquetch. Alors je voudrais, avant de passer au sujet qui était à l'ordre du jour, que vous entendiez la dernière intervention que Serge Lebecquetch a faite le 3 septembre dernier. C'était dans mon émission et c'était à l'occasion de la réautorisation de notre radio qui a obtenu une nouvelle autorisation pour 5 ans à partir du 3 septembre 2007, donc jusqu'au 3 septembre 2012. Et je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone et je raconterai mercredi comment finalement il a pu intervenir. Après avoir hésité, il avait peur de crier de douleur pendant sa communication. Il a rassemblé toutes ses forces pour pouvoir intervenir. Et donc c'est un moment émouvant, particulièrement émouvant. C'est, on peut dire, le testament radiophonique de Serge Lebecquetch que nous allons maintenant pouvoir écouter. Alors je crois que nous avons au téléphone Serge Lebecquetch. Serge ? Oui, Henri, je serai très bref. Je voulais simplement dire ma joie et ma fierté d'avoir appris que la radio était autorisée, confirmée, autorisée de nouveau. Et je trouve que c'est une décision dont il faut remercier le CSA parce que elle est courageuse et intelligente à la fois. Courageuse parce que elle a su comment tenir compte de la formidable campagne de haine, de diffamation, de calomnie qui nous a poursuivis depuis bientôt un an, depuis la mort de Jean. Et ça ne restera pas impuni, je tiens à le dire. Et puis, elle est intelligente parce qu'elle a compris que cette radio n'était pas ce que disaient ses ennemis, qu'elle était un lieu de liberté et de rencontre, et qu'elle était devenue quelque chose d'indispensable pour des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'auditeurs. Et ça, c'est pour moi un grand sujet de fierté, puisque d'une façon très, très modeste, j'ai été au départ de cette radio avec Jean Ferret. C'est-à-dire que j'ai soutenu Jean Ferret dans cette initiative qui paraissait totalement surréaliste. Donc ça couronne l'intelligence de Jean Ferret. Pour lui, c'est un hommage posthume qu'on ne pouvait même pas espérer. Il a créé cette radio avec de l'intelligence, du courage, du bon sens et un sens de l'autorité qu'il adore. C'est aussi une récompense pour tous les bénévoles qui nous ont soutenus. Je pense aussi bien en ce qui concerne la direction des affaires. Je pense à Philippe Varlet, je pense à Didier Roy, je pense à M. Besançon, je pense également M. Langlois qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, à Caroline aussi, et je pense au secrétaire. Tout ça, c'est leur réussite. C'est évidemment et surtout, je dirais, la réussite d'auditeurs qui ont fait une chose qu'on ne pouvait même pas imaginer possible, qui était de payer pour quelque chose qu'ils pouvaient avoir gratuitement. Et ça, c'est un signe d'intelligence et qui est complètement contraire à l'ambiance actuelle du pays, puisque maintenant on cherche à avoir gratuitement des choses qu'on devrait payer. Voilà, et puis, pour en finir, je voudrais dire aussi que je suis doublement fier, d'abord, parce que, triplement fier, je dirais, parce que cette radio, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu présidé à sa naissance. Deuxièmement, je crois avoir participé à ma manière, sinon à son succès, du moins à sa notoriété, pas toujours dans le meilleur sens du mot, c'est vrai. Mais troisièmement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir su faire le bon choix quand il s'est agi de trouver un remède au chaos que certains préparaient pour en profiter à la suite de la disparition de Jean. Et il n'y a pas de jour où je ne me félicite pas d'avoir pris une décision qui, à l'époque, a paru complètement paradoxale parce que Beckett soutenant un énarque polytechnicien haut fonctionnaire, ça paraissait tellement délirant que les gens ne voulaient pas le croire. Eh bien, pour une fois dans ma vie, j'aurais fait quelque chose d'à peu près intelligent. Et voilà, je voulais te remercier de tout ce que tu as fait pour cette radio depuis un an et remercier les auditeurs de nous avoir soutenus. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis ému d'une part, mais d'autre part extrêmement fatigué. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Je serai d'être digne de cette autorisation et de cette radio et de ce que j'aurais voulu en faire. Serge, merci beaucoup de ton intervention. Merci pour tout ce que tu as dit. Ça nous fait chaud au cœur. Hein. Et nous formons tous des vœux et des prières pour ta santé. Hein. On sent bien que tu es affaibli. Et nous souhaitons vraiment que tu te soignes bien, que tu sois bien soigné. Voilà, et que tu... On essaie de bien me soigner, oui, effectivement. Et que tu puisses te redresser. Parce que tu nous fais de la peine quand on t'entend si faible. Ça nous fait de la peine. Mais en même temps, ce que tu nous dis, encore une fois, nous touche profondément. Merci. Et je rappelle aux auditeurs qui ne le sauraient pas encore que tu as été avec Jean Ferret, vous avez été les deux fondateurs de la radio. C'est vous qui l'avez créé, et bien sûr, comme tu l'as rappelé, tu l'as porté à bout de bras, enfin, tu as aidé Jean Ferret constamment à la développer. Et tu continues à l'aider. Bon, là, j'ai essayé de faire ce que je pouvais à ma manière, qui n'a pas toujours été la bonne, qui n'a pas toujours plu, mais peut-être que c'est aussi ça qui a permis cette espèce d'alchimie bizarre entre Jean Ferret et moi, et ensuite entre toi et moi. Et oui, c'est une alchimie bizarre, mais... Félicite de ces rencontres. Et oui. Merci beaucoup, Serge. Repose-toi bien. Bonne fin d'émission. Au revoir. Et mes amitiés à ton épouse. Entendez. Au revoir. Eh bien, voilà, voilà donc le testament, enfin, ce que je considère comme le testament spirituel radiophonique de notre ami Serge. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, chers amis auditeurs, pour le dernier libre journal de Serge de Beckett, qui aura donc lieu mercredi prochain, le 10 octobre. Et le symbole est fort, puisque ce sera le jour anniversaire de la mort de Jean Ferret. Alors nous continuons la radio, comme le voulait Jean Ferret, comme le voulait Serge de Beckett, et nous allons parler de l'histoire des sciences. Nous allons parler de l'histoire des sciences, et je voudrais savoir si notre ami Jean-Paul Offray est déjà en ligne. Alors nous allons nous tourner peut-être, si Jean-Paul Offray n'est pas en ligne, nous allons nous tourner vers monsieur le professeur Ladic. Alors monsieur le professeur Ladic, vous vous êtes intéressé aux origines de la théorie de la relativité et vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle, rappelez-nous son titre. Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré. Publié chez Ellipse en 2004. Hein. C'est ça même. Et alors cet article a été commenté favorablement, au moins dans un journal qui est Le Nouvel Observateur. Oui, mais pas partout. toute critique entraîne toujours une surcritique, disons. Bien. Est-ce que Jean-Paul Offray est en ligne? Oui. Jean-Paul Offray. Bonjour. Bonsoir. Oui. Alors, vous avez écrit deux ouvrages que nous citerons tout à l'heure, parce que je crois que vous préférez qu'on commence par vous entendre avant qu'on dise le titre de vos ouvrages. Vous êtes un physicien et un mathématicien à la fois, enfin un physicien théorique, un théoricien de la physique. Vous avez exercé, rappelez-nous dans quelle université, aux États-Unis essentiellement ? Alors, deux grandes universités, l'université Columbia. Oui. Et à New York, une université qui s'appelle New York University. Et vous étiez dans l'institut de recherche ? Ce qui se passe, c'est qu'à New York University, il y a un grand institut, dit l'Institut des sciences mathématiques, je traduis en français, qui a été fondé par des mathématiciens allemands de la grande université de Göttingen, qui s'étaient réfugiés aux États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont créé cette magnifique école de mathématiques supérieures. Alors on verra dans la suite de notre propos que Göttingen a une certaine importance pour nous, pour raconter l'histoire de ce qui s'est produit. Mais Jean-Paul Offray, commencez par nous dire quelles ont été les premières étapes qui ont conduit à la découverte de la théorie de la relativité. Alors écoutez, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui est au cœur de la découverte et qui, vous allez voir, qui est très amusante, qui va beaucoup intéresser vos auditeurs, je pense. Parce qu'il y a une petite coïncidence. Nous nous trouvons dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et là, il va y avoir une soutenance de thèse par un jeune physicien qui est l'élève d'un grand physicien de l'époque. Personne ne connaît son nom, peu importe. Mais dans son laboratoire, il y avait des gens que tout le monde connaît, Pierre Curie et Marie Curie. En quelle année ? Alors ça se passe en 1900. En 1900 pile. En 1900, il y a une soutenance de thèse. Et pendant la soutenance, le professeur Lippmann, qui est le directeur de la thèse, fait une remarque qui va déclencher la découverte de la relativité. Alors, si vous voulez, je vous raconterai la remarque, mais je vais m'amuser pour vous raconter quel est celui qui a pris note de cette remarque et qui allait devenir l'inventeur de la relativité. Il est membre du jury. C'est un personnage un petit peu étonnant. Quand je vais vous faire sa description, vous allez me dire, mais vous me décrivez Monsieur Hulot. Pourquoi ? Parce que hier, par coïncidence, on a célébré le centenaire de la naissance du grand réalisateur français que, bon, les anciens connaissent, peut-être beaucoup moins les jeunes, qui a créé ce personnage que tout le monde connaît quand même, Monsieur Hulot. Alors, il ne faut pas confondre avec Nicolas Hulot, hein, je précise. Non, pas du tout. Alors, excusez-moi, mais je vous signale que votre personnage, que je crois reconnaître, a servi de modèle à un autre personnage de fiction, qui n'est autre que le savant Cosinus. Alors, je pense que de nombreux auditeurs ont lu le savant Cosinus de Christophe, ou tout au moins la famille Fenouillard. Jules Leveugle, vous connaissez le savant Cosinus, oui ? Très bien. Imaginez-vous que... En ce moment même, dans la revue Cosinus, je compose chaque mois, avec toute une équipe brillante, une BD en 4 pages en couleur sur la vie du jeune Évariste Galois, qui est mort à 20 ans et dont l'invention a joué un rôle dans la théorie de la relativité. Alors, voyez, vous tombez sur une... Alors, avançons un peu. Donc, nous sommes en 1900 et... Alors, je vous décris le personnage... écoute la fameuse remarque dont nous allons parler dans un instant, et je vous donne une description qu'en a faite un de ses meilleurs amis. Il marchait la tête penchée en avant, le dos légèrement voûté, et son regard parfois semblait presque fixe. Il avait l'habitude de prendre son interlocuteur familièrement par le bras et de l'obliger à marcher avec lui d'une façon d'ailleurs très irrégulière. Il s'élançait brusquement, puis s'arrêtait, et revenait en arrière. Il était alors animé d'un mouvement analogue à celui que les physiciens ont appelé le mouvement brownien. C'est la description de M. Hulot. Eh bien, c'est aussi étonnamment la description de ce brillant mathématicien qui, ce jour-là, a eu l'éclair de génie, l'a mis sur la voie de la théorie de la relativité. Alors, si vous voulez, un petit peu plus tard... Je peux vous décrire la fameuse remarque et tout le monde comprendra comment ça a commencé. Alors c'est très passionnant parce que on connaît le point de départ, une remarque faite pendant une soutenance de thèse ou à Paris, à la Sorbonne, et c'est là que tout a commencé. Alors, quelle remarque ? Alors, la remarque, je vous la décris en donnant d'abord une petite information à vos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas ce détail. C'est que si je prends deux petites boules quelconques et que je les charge d'électricité, je les approche l'une de l'autre, chacun sait qu'elles vont se repousser. Plus je les approche, plus la force de répulsion va être grande. Deuxième information, qui est tout à fait inattendue, je fais la même expérience en plaçant deux fils électriques sur une table, par exemple, parallèles l'un à l'autre, et je fais circuler dans chacun un courant électrique continu. Si les courants sont dans la même direction, il se produit une chose très bizarre, les deux fils électriques s'attirent. Alors ça, c'est un fait que les jeunes étudiants de physique ont dû vérifier dans leur laboratoire. Alors voilà la remarque qui est faite pendant cette soutenance. Je prends mes deux corps chargés électriquement. Ils se repoussent. Or, le laboratoire, il est construit dans un immeuble qui est sur la Terre. La Terre se déplace autour du Soleil à une vitesse d'environ 30 km par la seconde, qui fait quelque chose de l'ordre de 100 000 km à l'heure, elle est en mouvement. Donc, mes deux charges électriques deviennent des courants continus, elles sont entraînées par le mouvement de la Terre. Eh bien, je devrais découvrir que ces deux charges s'attirent, puisqu'elles constituent des courants électriques. Comme ça n'est pas le cas, il faut en tirer une conclusion. Eh bien, notre personnage qui entend cette remarque, tout d'un coup réalise, il y a une loi générale de la nature qui a été méconnue jusque-là, c'est qu'il est impossible, par une expérience physique simple, comme celle-ci, de démontrer que la Terre est ou n'est pas en mouvement. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle la relativité. Et peut-être, professeur Ladic, une autre manière de voir les choses. Alors, la relativité commence... Professeur Ladic, à Galilée, donc nous sommes au... En fait, oui, chaque science, finalement, quelle que soit cette science, est issue nécessairement, à mon avis, d'un long passé. Et quand on parle de relativité, on parle tout d'abord de la relativité galiléenne, puisque le problème, essentiellement, c'est d'arriver en relativité à... faire une loi qui permette de rejoindre les coordonnées de deux systèmes qui se déplacent en translation l'un par rapport à l'autre. Au temps de Galilée, ça existait déjà, ce problème, puisque Galilée regardait par exemple d'un quai un navire qui s'éloignait et il se demandait si ce qui se passait sur le navire coïncidait au point de vue des lois à ce qui se passait sur le quai. Or, quand on est dans un navire, on s'aperçoit que les lois de la physique sont exactement les mêmes. C'est ça la relativité, c'est que les lois de la physique sont les mêmes sur Terre et dans un objet qui se déplace par rapport à la Terre. C'est ça la relativité au départ. La relativité la plus simple qui est dite galiléenne. Mais ensuite alors... Pas tout à fait, c'est-à-dire la relativité galiléenne, c'est juste intéressé plutôt à la mécanique classique. Et ensuite, c'est Poincaré qui a... au mouvement. Et ensuite, c'est Poincaré qui, finalement, a étendu cette idée de relativité à l'ensemble des phénomènes physiques, et en particulier à l'électromagnétisme. Alors, la difficulté, justement, professeur Ladic, qui est apparue à cette époque-là, puisque vous avez cité Poincaré, c'est que une nouvelle science est apparue. Cette science, c'est celle de l'électricité. Alors, chers amis auditeurs, c'est celle qui vous permet de nous écouter par la radio. C'est parce que quelqu'un comme Maxwell et quelques autres ont découvert les lois de l'électricité qu'on a pu développer tout ce que vous savez. Mais, alors, professeur Ladic, professeur de Hövels, la découverte des lois de l'électricité a fait apparaître de nouvelles énigmes. Et c'est pour ça que certains ont émis la théorie de l'éther. C'est-à-dire on pensait qu'il y avait un fluide imperceptible qui envahissait tout et dans lequel se déplaçait l'électricité. L'éther, c'est quelque chose qui paraît tout à fait logique, c'est-à-dire... L'éther qui n'a rien à voir avec que vous avez dans la pharmacie. On imagine qu'il y a quelque part un référentiel fixe, invisible, qui permet de décider qu'il y a un objet immobile. Or, un espace absolu. Un espace absolu. Or, cette chose, en fait, est contraire à la physique moderne d'aujourd'hui. Mais pendant des années, les gens ont cru à l'éther. Et là, les équations de Maxwell, qui sont apparues en particulier dans la théorie électromagnétique, ont donné un champ d'action aux personnes qui ont modélisé la physique, et en particulier, il y a eu le problème de la vitesse de la lumière. Alors, je vous interromps une seconde. C'est-à-dire que nous sommes passés de Galilée, c'est le 17e siècle, à Maxwell, le 19e siècle. Nous avons franchi trois siècles avec des bottes de 7 lieues. Et donc, en fait, la découverte des lois de l'électricité au 19e siècle, qui était totalement inconnu de Galilée, a fait apparaître une énigme, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté besoin d'un espace absolu qui était l'éther, je m'exprime de manière un peu simpliste, excusez-moi, mais pour décrire les lois de l'électricité, d'un autre côté, on avait toujours cette relativité galiléenne qui nous disait que les lois de la mécanique, professeur l'a dit, qui étaient les mêmes dans le bateau et sur Terre. L'idée est très facile, l'image est très simple. Essentiellement, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Et ceci introduit un paradoxe dans la mécanique galiléenne, parce que imaginons qu'on soit dans un train, dans une fusée qui avance à quelque chose comme à très peu en dessous de la vitesse de la lumière, imaginons qu'on se mette à courir dans la fusée, eh bien en théorie, si on était dans une mécanique galiléenne, on pourrait à la limite, en courant très vite, dépasser la vitesse de la lumière à condition d'être... Eh bien ceci est impossible. Et le problème est d'essayer de déterminer des invariants. Des invariants. Qu'est-ce que c'est qu'un invariant ? Bien, c'est très simple. Vous avez une table. Une table, elle a une dimension fixe et on la déplace. Elle est invariante parce que c'est les trois dimensions qui restent constantes. Toutes les distances entre les objets de cette table sont constantes. Poincaré est introduit quelque chose qui fait intervenir le temps. C'est-à-dire, au lieu de faire intervenir uniquement les dimensions de l'espace, eh bien, il a introduit un invariant qui est par une transformation. Cette transformation qui est connue sous le nom de savant de transformation de Lorentz Poincaré. Et cette transformation a fait intervenir le temps. Et ce fait de faire intervenir le temps est la base, je dirais, de la relativité restreinte. Alors, nous sommes en 1900 et en fait, professeur Ladig, vous êtes là toujours ? Oui. Professeur Offray, vous êtes là, pardon ? Alors moi, j'aimerais bien faire... Alors, nous sommes en 1900, il faut donc que vous nous expliquiez brièvement comment, ce qui s'est passé entre 1900 et 1905 et comment finalement l'homme dont vous parliez, qui n'est autre qu'Henri Poincaré, a fait progresser la science et a découvert et a conçu la théorie de la relativité. Professeur Offray. Moi, j'aimerais bien faire un commentaire. Il faut faire très attention de ne pas attribuer à Poincaré des idées qui sont intervenues après. Parce que sa démarche, ce que j'ai entendu là ces dernières minutes, n'est pas celle que mes collègues ont évoquée. Poincaré s'est préoccupé de savoir si on pouvait ou non mettre en évidence une vitesse absolue de la Terre dans l'univers. Je vous rappelle que la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil, lui, il se déplace lui aussi. Il est dans une... grande galaxie que nous appelons la Voie lactée avec des milliards d'étoiles. Toutes ces étoiles tournent, bougent, se déplacent par rapport à d'autres galaxies. Et au total, la remarque de Poincaré, c'est aucune méthode de physique dans un laboratoire ne va pouvoir mettre en évidence une vitesse. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Oui, d'accord. Mais il y a une grande étape et j'aimerais que Jules Leveugle nous parle de Saint-Louis, de la conférence de Saint-Louis. C'est en 1904, je crois, c'est cela ? En 1904, en septembre, oui. Alors, je rappelle que Jean-Paul Offray, j'avais dit que je citerais vos ouvrages, Jean-Paul Offray, professeur Jean-Paul Offray, vous avez écrit notamment deux ouvrages, Einstein et Poincaré sur les traces de la relativité aux éditions du Pommier, en 1999, prix Gegner de l'Académie des sciences morales et politiques, et ça a été réédité, je crois, en 2004 ? Voilà, oui. En 2004. Récemment. Et vous avez écrit ensuite « Comment je suis devenu Einstein, la véritable histoire de E égale MC2 aux éditions Carnot en 2005 ». Oui. Alors, nous allons être obligés dans cette émission forcément d'être un peu cursifs, et donc je renverrai les auditeurs qui voudront aller plus loin à vos ouvrages, à ceux de Jules Leveugle et à celui de Jean-Paul Offray. Alors je précise que... celui de professeur Hladig, pardon. Je précise que Jules Leveugle a écrit « La relativité, Poincaré et Einstein, Planck-Hilbert, histoire véridique de la théorie de la relativité », édité aux éditions de l'Harmattan en 2004. Et un abrégé de cet ouvrage est en ligne sur le site personnel de l'auteur. Jules Leveugle, alors racontez-nous, parce que le professeur Auffray nous a parlé, Jean-Paul Auffray nous a parlé de 1900. Nous sommes obligés de raccourcir le temps, hein, après tout, c'est relativité. Le temps se raccourcit, 1904. Nous sommes en 1904. Poincaré est invité à participer à une conférence scientifique qui se tient à Saint-Louis, aux États-Unis. Minnesota. Missouri, je crois. Missouri, Minnesota. Non, Missouri. Missouri, excusez-moi. Missouri, oui. C'est une ville fondée par les Français. D'où son nom ? Au 18e, d'où le nom de Saint-Louis. C'est le nom d'un de nos rois. Et puis. Le plus grand. Sans aucun doute. Et puis. On dirait que la grandeur est une chose relative, cher Jules. Il a reçu, peu de temps avant de partir dans ce voyage, le grand mémoire de Lawrence, paru en mai. Alors, je suis obligé de faire des précisions. D'abord, nous parlons de Poincaré. Il s'agit d'Henri Poincaré, est le cousin germain de Raymond Poincaré. Il ne faut pas confondre. Henri Poincaré, grand savant, un des savants les plus immenses que la Terre ait connu. Et Raymond Poincaré, homme politique, homme d'État bien connu, qui a été notamment président de la République. Et vous parlez de Lawrence. Alors, en fait, dans l'histoire des sciences, il y a trois Lawrence, au moins. Il y a Hendrik Lawrence, qui a donc été le prédécesseur d'Henri Poincaré pour la découverte de la relativité, qui a fourni des matériaux à cette théorie. Il y a un autre qui n'a rien à voir, qui s'appelle Konrad Lorenz, le prix Nobel, qui est un éthologue. Et un troisième qui n'a rien à voir, qui a un petit peu à voir avec Poincaré. C'est Edward Lorenz qui a relancé la théorie des chaos. C'est un météorologue qui a relancé la théorie des chaos dans les années 1970. Alors, sachant que la théorie des chaos a été fondée par Henri Poincaré, qui est vraiment un immense savant à propos de la théorie du problème des trois cordes, on n'a pas le temps de parler. Et cette fameuse théorie du chaos est résumée dans la grande presse par la formule dite de l'effet papillon, qui a été énoncée par Edward Lorenz. Le battement des ailes d'un papillon au Brésil est susceptible de déclencher une tempête au Texas. Bon, alors je reviens maintenant à Henri Poincaré et à Hendrik Lorenz. Alors, 1904. Nous sommes en 1904. Poincaré part pour les États-Unis avec le mémoire publié par Hendrik Anton Lorenz au mois de mai, donc. Et il va le commenter longuement dans sa conférence. Alors, il lui trouve beaucoup de qualités. C'est un ouvrage, c'est un travail essentiellement de mathématiques. Alors, rappelons que Hendrik Lorenz était un physicien qui avait trouvé les lois, enfin les équations, qui permettaient de résoudre le paradoxe qui a été expliqué par Paul de Wels. Oui, il avait perfectionner les équations de Maxwell. Il faut parler de ce grand savant. Chez Maxwell, on concevait encore l'électricité comme étant un fluide continu. Lorentz a compris qu'on ne pouvait plus s'en tenir là et va simplifier les équations de Lorentz parce qu'on a appelé ensuite la théorie des électrons. C'est-à-dire que l'électricité ne serait pas un fluide continu, mais précisément chargeant des corpuscules qu'on va appeler plus tard des électrons et qui permettent de simplifier les équations de Maxwell qui sont évidemment fondamentales. Poincaré critique et élabore à partir du travail de Lorentz et énonce, alors là c'est une date absolument mémorable, il énonce le principe de la relativité. Voilà, donc ce principe, c'est un principe qui est au fond au-dessus des équations elles-mêmes ou des lois elles-mêmes, c'est un principe plus général que vous pouvez peut-être, malgré son abstraction, nous dire, qu'il n'est pas si compliqué à énoncer. Eh bien, il l'énonce sensiblement de la manière suivante. Pour un observateur placé dans un un observateur ne peut pas distinguer s'il est oui ou non placé dans un système en mouvement rectiligne et uniforme. toutes les lois de la nature doivent être les mêmes dans tous les systèmes animés de mouvements rectilignes et uniformes. C'est-à-dire que Henri Poincaré a dit aux grands principes de la physique qui sont connus, principes de la conservation de l'énergie, de la dégradation de l'entropie, etc. Et, enfin, il n'y en a pas tellement d'ailleurs, il faut en ajouter un qui est ce principe de la relativité. Voilà. Voilà. Et donc toute la science moderne est là, professeur Ladic. C'est-à-dire en fait, il a étendu le principe de la relativité de Galilée. C'est ça, il a généralisé. C'était avant uniquement la mécanique. Et maintenant, c'est tout. Il a dit. Il faudrait que ce soit valable pour tous les phénomènes physiques. Donc le saut qualitatif, conceptuel, a consisté à dire que ce principe de relativité qui avait été énoncé par Galilée était valable aussi pour, non seulement pour la mécanique, mais pour l'électricité, enfin pour toutes les lois de la nature, devait être valable pour toutes les lois de la nature. Bon. Et c'est de là qu'est sortie, en fait, on peut le dire, la théorie dite de la relativité restreinte. Bien entendu. Jean-Paul Offray, vous êtes d'accord? Pas vraiment? Pas entièrement, parce que... Nous faisons des raccourcis. Ah, mais nous sommes obligés. Alors écoutez, je vous arrête tout de suite parce que nous sommes obligés, surtout à l'antenne d'une radio, de respecter scrupuleusement le principe qui n'est pas de Poincaré, mais de Valéry, Paul Valéry. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui est simple est faux, tout ce qui est compliqué est inutilisable. Et moi, je voudrais que cette émission soit utilisable par les auditeurs. Oui, Paul Devels. Oui, j'aimerais quand même citer... Einstein, parce qu'on en parle aussi, qui a résumé de façon assez simple, par deux postulats, la théorie de la relativité. Ça ne veut pas dire que ce soit lui qui l'a découvert, mais il l'a quand même bien expliqué. Et c'est les deux postulats d'Einstein qui disent « Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels ». Alors, un référentiel inertiel, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui bouge en déplacement linéaire, etc. Et la vitesse de lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels. Essentiellement, si on est dans un référentiel qui bouge, eh bien, les lois de la physique ne changent pas. Et la vitesse de la lumière par rapport à ce référentiel ne change pas. Si on prend ces deux postulats, et si on les comprend, on a compris la théorie de la relativité. Alors bravo Paul Devels, mais alors je voudrais savoir ce qu'apporte l'article, le fameux article dit fondateur d'Einstein, considéré comme considéré par le grand public, et il faut bien le dire par une bonne partie des spécialistes, comme l'article qui a découvert la relativité, l'article de 1905 d'Einstein, publié dans quelle revue déjà? Annalen der Physik. Les Annales de la Physique, une revue allemande. Qu'apporte cet article de 1905 par rapport à ce qui avait déjà été élaboré, énoncé et publié par Henri Poincaré? Qui veut répondre? Ladic. En fait, professeur Ladic. Henri Poincaré, comme l'a dit effectivement mon collègue, là, de toute Jules façon... L'aveugle. Jules l'aveugle. Oui. Henri Poincaré avait déjà énoncé ce qu'a repris Einstein. Il l'avait énoncé avant. Ma réponse est qu'apporte, qu'y a-t-il de plus dans l'article d'Einstein par rapport à ce qui avait été déjà écrit et publié? Voilà la question précise que je pose. Essentiellement, rien, sauf que c'est formulé d'une façon un petit peu plus, simplifiée, plus clair. Incontestablement. Par contre, Poincaré a commencé par l'énoncer dans un congrès de Saint-Louis en 1904, et surtout, il l'a publié en 1905 dans un article qui est paru au mois d'avril 1905. Alors, je me tourne maintenant vers Jules Leveugle, parce que Jules Leveugle, ancien élève de l'École Polytechnique, a écrit un article dans La Jaune et la Rouge. Alors, La Jaune et la Rouge, c'est la revue des anciens élèves de l'École Polytechnique, qui s'appelle comme cela, vous le savez peut-être, bien que vous ne soyez pas... polytechnicien, parce que les promotions sont alternativement jaune et rouge. Alors je ne sais pas, Leveugle, à quelle promotion vous êtes dans une jaune ou dans une rouge? À vrai dire, on ne saura jamais, parce que il y avait deux promotions. Ah bon, deux moitiés de promotion. C'est un peu embêtant. Moi, je suis une promotion rouge, cher camarade. Bien, et donc, il a publié, Jules Leveugle, ici présent, dans La Jaune et la Rouge, en avril 1994, un article que l'on peut dire fondateur pour le sujet qui nous intéresse, parce que Jules Leveugle, vous avez démontré non seulement ce qui avait déjà été dit avant vous, nous allons y revenir, l'antériorité de Poincaré, d'Henri Poincaré par rapport à Albert Einstein, mais également vous avez démontré l'emprunt, vous avez démontré qu'il n'y avait pas indépendance, parce qu'on nous dit parfois les idées étaient dans l'air et deux savants, trois savants ont trouvé à peu près la même chose de manière indépendante. Là, vous avez démontré qu'il n'y avait pas indépendance des travaux d'Einstein par rapport à ceux de Poincaré. Einstein ne cite pas Poincaré, mais il le pille. En plus, il commet dans sa Voilà, il veut démontrer qu'à partir de ces deux principes, il peut retrouver ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, les transformations de Lorentz. Que Poincaré, dont Poincaré avait dit, que, transformation que j'appellerais du nom de Lorentz. Et qui devrait s'appeler de Poincaré, puisque c'est lui qui les a trouvées. Poincaré qui les a trouvées, bien que Lorentz avait donné des équations dont on pouvait déduire les transformations de Lorentz telles que Poincaré les a établies. Ceci dit, dans sa démonstration, dans la démonstration qui est signée Einstein, il y a une énorme faute de calcul. Et, c'est absolument incroyable, c'est ainsi. Et elle n'a pas été souvent relevée, mais elle est bien vraie, bien authentique, une énorme faute. Mais ce n'est pas ça qui démontre l'emprunt. Si, ça démontre l'emprunt parce qu'il arrive au bon résultat avec une erreur de calcul. Ah. Alors, mon professeur... Donc, effectivement, quand on copie sur son voisin... Voilà, mon professeur de lycée me disait toujours... disait à sa classe, si vous trouvez le bon résultat avec un raisonnement faux, c'est que vous avez copié sur votre voisin. Eh bien, on peut dire la même chose. il transforme. Hein, je veux pas entrer évidemment dans cette arithmétique, dans cette algèbre, je veux dire. Mais il a trouvé bêta 2 et la ligne suivante, il écrit bêta. Ce qui est absolument inacceptable. Ne feront pas de jeu de mots débiles sur le mot bêta. Bien, alors je tourne vers Jean Lalique, parce que Jean Lalique, écoutez, alors, un journaliste du Nouvel Observateur qui s'appelle Fabien Gruyer a consacré à votre travail un article 5 août 2004 dans le Nouvel Observateur. Einstein plagiaire, point d'interrogation. Et l'article, quand on lit l'article, on comprend qu'il faut lever le point d'interrogation. Alors je vais le lire, écoutez, ça prend une minute, c'est un extrait. Hein. Je crois que c'est intéressant de le lire et de rendre hommage à votre ouvrage de cette manière. Alors, Jean Lalique, universitaire, spécialiste de physique théorique, auteur de plusieurs ouvrages sur la relativité, trouvait que quelque chose clochait dans la façon dont cette relativité était enseignée. Et sa paternité, un peu trop unanimement attribuée au fameux Albert Einstein. Lui-même, Jean Lalique, il y a 4 ans, signait encore un ouvrage intitulé « La relativité selon Einstein ». Depuis, la DIC a poursuivi ses investigations et il se décide à publier un livre carrément sacrilège. Le terme de sacrilège est intéressant, il faudra y revenir. Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré aux éditions Ellipse. Au moins là, l'avantage du titre de votre livre, c'est qu'il résume le sens de l'ouvrage de manière extrêmement claire. Je le répète parce que c'est très frappant. Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré? Jean Lalique est allé aux sources. Il a lu les publications totalement ignorées d'Henri Poincaré, physicien génial et mathématicien, bien meilleur qu'Einstein. Il a trouvé noir sur blanc tous les éléments de la relativité restreinte, depuis la limite infranchissable de la vitesse de la lumière jusqu'au concept d'espace-temps. Ainsi, tout y est sous la signature de Poincaré, dans des textes publiés entre 1898 et le 5 juin 1905. Or, le 30 juin 1905, les Annales de la Physique, les Annalen der Physik, recevaient le manuscrit du fameux article 10 fondateur de la relativité restreinte, signé Einstein, un article qui, selon Lalique, n'apporte rien de nouveau par rapport aux écrits de Poincaré. Dès lors, la question se pose, Einstein a-t-il tout redécouvert tout seul, ou bien a-t-il sciemment et honteusement pompé Poincaré? Pour Jean Lalique, après enquête minutieuse, le doute n'est plus permis, et seule la seconde hypothèse tient la route. Puis la chape de plomb de l'histoire s'est mise en place, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux auteurs, Jean Lalique et Jules Leveux, qui arrivent à la même conclusion, ainsi que Jean Frère. Alors je précise, Jean Lalique, je suis obligé de déplier votre nom, parce que vous avez un nom d'origine tchèque, et donc si on recherche par ordre alphabétique à L votre nom, on ne le trouvera pas, car ça commence par un H. Votre nom s'écrit H-L-A-D-I-K. Hein, et ça se dit Lalique en français. H-L-A-D-I-K. Donc c'est comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré. Et nous avons également deux ouvrages que j'ai cités de Jean-Paul Offray. Alors Jean-Paul Offray, vous êtes arrivé, au fond, on peut dire à la même conclusion. Non, pas du tout même. Excusez-moi, pas du tout. Pourquoi? Parce que la vraie contribution d'Henri Poincaré, c'est l'invention de l'espace-temps. Alors, si vous voulez, je vais vous en parler, mais il faut savoir que Albert Einstein a mis des années avant d'accepter cette notion. Il la considérait comme fantaisiste et pas du tout appropriée pour la physique. Or, la relativité, c'est l'espace-temps. Et l'espace-temps, Poincaré l'a inventé sous le nom de espace quadridimensionnel. Il a conçu pour remplacer notre espace habituel auquel nous reconnaissons trois dimensions, plus le temps auquel nous reconnaissons une dimension, ça fait quatre au total. Il a abandonné, lui, l'espace et le temps, et il a proposé un nouveau concept, un nouveau cadre pour la physique, qu'il a appelé espace quadridimensionnel. Non, mais nous sommes d'accord, vous élargissez le sujet. Marie-Françoise. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit aujourd'hui Jules Leveugle, polytechnicien, Paul Dehevel de l'Académie des sciences, Jean Ladic, professeur émérite de physique de l'Université d'Angers, et par téléphone, Jean-Paul Auffray, physicien. Voilà, oui, allez-y, oui. Alors, un auditeur, ce n'est qu'en France qu'on entend une révision pareille. Einstein a bien cité Lorentz, qui a établi les équations que Einstein a ensuite utilisées, mais n'a jamais parlé de Poincaré. Et un autre message d'un auditeur. Entre Poincaré et Einstein, la question n'est peut-être pas de savoir qui a volé les faux diamants, mais plutôt de savoir si la théorie est vraiment valide. Interviewez M. Maurice Allais, qui propose un éther anisotrope. Alors, il y a autre chose, si je me permets. Oui, Jean-Paul Auffray. Ouais. Ce qui est assez passionnante, c'est que Einstein a abandonné le raisonnement qu'il présente dans ce fameux article. Il ne s'en est jamais plus servi. Aucun livre de physique, à ma connaissance, ne reproduit le raisonnement proposé par Einstein. Alors, la question, pourquoi ? Tout ce qu'on enseigne aujourd'hui est basé sur l'espace-temps, espace quadridimensionnel proposé par Henri Poincaré. Voilà, non, mais absolument. C'est clair et net. Absolument. Alors, je voudrais également, à la suite de ce que vous avez entendu, vous avez quand même entendu Paul Dehevel, Jean Ladic, Jules Leveugle, Jean-Paul Auffray, qui, avec leur point de vue convergents disent la même chose, qu'Henri Poincaré, c'est beaucoup plus important dans la théorie de la relativité qu'Albert Einstein. Et je voudrais ajouter encore une contribution qui est celle d'un autre membre de l'Académie des sciences, le cher professeur Paul Dehevel, qui n'est autre que Claude Allègre. Monsieur Claude Allègre, qui n'est pas n'importe qui, puisque je rappelle quand même que c'est un homme de gauche, hein, c'est un ancien ministre de Jospin, il est docteur en sciences physiques. Il a été ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie de 1987 à 2000. Il est membre de l'Académie des sciences depuis 1995. Or, que dit Claude Allègre ? Eh bien, dans un article du 8 novembre 2004 de L'Express, c'est dans le grand public, hein, L'Express, ce n'est pas une revue scientifique spécialisée, il dit ceci, je cite M. Claude Allègre, « Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Einstein n'a pas inventé la théorie de la relativité restreinte. Le premier découvreur de cette théorie fut un Français, Henri Poincaré. La physique mondiale sait cela depuis que le Britannique Edmund Whittaker l'a dit, mais peu de scientifiques compétents ont voulu s'assurer de la véracité de ce fait. Personne n'osait s'interroger sur les mérites du génie absolu. La physique moderne avait sacralisé Einstein. » Alors je ne sais pas si, Paul Dehevel, vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre collègue de l'Académie des sciences. Non, pas particulièrement, mais ce que je dirais, c'est un secret de polichinelle. Enfin, tout le monde a l'air de savoir ça, mais certains vont ergoter sur, en particulier, le fait que effectivement, Poincaré se basait encore sur des notions comme l'éther ou d'autres choses comme cela. Mais essentiellement, la théorie de la relativité restreinte, c'est quoi ? C'est le groupe de Lorentz Poincaré, qui est un groupe de transformation qui fait intervenir les quatre dimensions de l'espace-temps, comme le disait Onfray. Et Paul, donc, ce point est fondamental. Paul Dehevel, excusez-moi, je vais demander à Jules Leveugle de nous rappeler ce que disait sur l'éther Henri Poincaré. Vous le savez par cœur. Vous n'avez pas besoin de rechercher la citation. Non, sensiblement. Henri Poincaré disait sur l'éther. L'éther, nous le laissons aux métaphysiciens. Ils ont peut-être plus de choses à dire que nous. Pour ma part, aurait dit Poincaré, pour continuer dans la même veine, moi, je ne m'occupe que des phénomènes. Je ne suis pas un métaphysicien. Je veux ne m'occuper que des choses que l'on peut mesurer. Alors, j'ai envie de faire une parenthèse sur Poincaré, parce que une des raisons pour lesquelles on a pu faire croire que Poincaré n'avait pas trouvé la chose, c'est que Poincaré avait une épistémologie particulière qui s'appelle, je crois, enfin, qu'on a tendance à appeler le conventionnalisme. Phénoménologie. Conventionnalisme. C'est-à-dire que Poincaré avait une théorie de la vérité scientifique qui n'était pas, qui était assez, assez, assez, enfin, qui était très originale. et très pertinente quand on a un peu d'éducation scientifique, mais qui va paraître extraordinaire aux auditeurs. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'une théorie, la théorie était plus vraie quand elle était plus commode, quand elle était plus simple. Au fond, c'était la théorie la plus simple qui rendait compte des faits. Et il expliquait, par exemple, je crois qu'il le dit ça dans La science et l'hypothèse, que, après tout, la théorie de Ptolémée pouvait rendre compte des faits. Il suffisait d'ajouter suffisamment de, comment on appelait ça, des épicycles, avec, en complexifiant à l'infini la théorie de Ptolémée, on arrivait à retrouver à décrire le mouvement des planètes. Donc ça n'était pas impossible avec de rendre compte des observations de l'époque d'une manière conforme à la théorie du physicien grec Ptolémée, de l'Antiquité grecque. Mais la théorie de Galilée, enfin de Copernic, pardon, avait l'avantage d'être beaucoup plus simple. Donc pour Poincaré, la question de savoir si l'éther existe ou n'existe pas au fond n'est pas un problème, enfin peut-être un problème métaphysique, mais si ça n'apporte rien, ça n'apporte rien au sujet. Ce qui est sûr, c'est que dans la théorie de la relativité qu'il a établie avec ses équations, on n'a pas besoin de l'éther. Donc ensuite, il pouvait croire ou ne pas croire à l'éther. Pour lui, c'était pas un problème, quoi. Non, mais je crois effectivement que c'est ça. On a reproché des tas de détails à Poincaré en disant effectivement il croit en l'éther, mais l'éther on n'en parle pas dans ses publications personnelles. Donc ça prouve c'est un faux argument. Si on reprend un autre exemple célèbre, c'est celui de Maxwell. Maxwell aussi a établi son électromagnétisme en parlant de l'éther, mais est-ce qu'on dénie à Maxwell ces fameuses équations? Nous parlons d'un problème d'antériorité qui est aussi un problème d'emprunt et de plagiat, mais je voudrais quand même dire que Radio Courtoisie, avec cette émission, reconnaît l'antériorité de tous ceux qui ont, non seulement vous-même, mais des médias qui ont parlé de ce sujet, et même des médias de gauche, ou presque de gauche, L'Express et le Nouvel Observateur que je viens de citer. Mais France Culture, je suis obligé de citer une radio concurrente, enfin un confrère si vous préférez, France Culture a fait, avec Jean-Paul Offray, qui est toujours là au bout du fil, avec Jean-Paul Offray, émission retentissante le 22 janvier 2006, avec vous étiez encore par téléphone, vous avez beaucoup le téléphone, Jean-Paul Offray. Hein. Ah, je suis dans le midi, je suis donc, vous étiez en débat avec un Einsteinolâtre, je ne sais pas comment il faut le dire, un Einsteinomane qui s'appelle Jean Eisenstadt, dont nous reparlerons tout à l'heure, et qui défend bec et ongles la théorie qu'on trouvait aujourd'hui, pour les gens sérieux, de l'originalité complète d'Einstein. Est-ce que je pourrais dire un mot sur le mot théorie? À condition que ce ne soit pas trop théorique. Non, mais vous employez le mot théorie. D'une manière courante. Mais Poincaré, ce n'est pas du tout ça. Poincaré a simplement proposé un cadre qu'il a appelé l'espace-temps. Et il a dit, avec ce cadre, on peut faire une mécanique nouvelle. Voilà ces termes. Oui, mais monsieur le professeur et cher Jean-Paul Offray, le mot théorie est un mot relativement plastique dans la langue courante que je n'emploie pas dans un sens très précis. Ah oui, mais malheureusement, il ne s'applique pas du tout dans ce cas-là. Ce n'est pas une théorie. Il propose un cadre, l'espace-temps, quatre dimensions. Paul de Havels. Et lui donne des propriétés géométriques très spéciales. Et il dit, voyez, avec ça, vous pouvez faire de la mécanique, oui, ça marche mieux. Oui, ben c'est ça, ben je suis bien d'accord, c'est une théorie. Ben non, c'est pas une théorie. Bon, en fait, dans votre sens, vous ne l'entendez pas dans le sens de théorie, mais je veux dire, là, vraiment, c'est un débat de... donc je pense que Paul de Vels voudrait ajouter un mot. Alors, à propos de la notion de théorie ou d'une chose plus... Oui, il y a deux choses. Je voudrais quand même résumer toute la discussion qu'on a eue en très peu de choses. Poincaré a trouvé la relativité et l'a publié avant Einstein, et il a une antériorité évidente, factuelle. Maintenant, si vous voulez, la vraie question est pourquoi un certain nombre de gens disent toujours que c'est Einstein, ce qui paraît complètement farfelu. Alors, je citerai juste Wikipédia. Wikipédia, qui est une encyclopédie dans laquelle on trouve pas mal de choses, et alors ils disent au sujet de relativité restreinte, on nomme relativité restreinte une première version de la théorie de la relativité émise en 1905 par Albert Einstein. Un peu plus loin, il dit exactement « Cette théorie a introduit pour la première fois la notion d'espace-temps et explique quelques phénomènes étonnants. » Eh bien, si je voulais, apostropher mon collègue Offray au téléphone, eh bien, vous voyez que même la notion d'espace-temps qui a été effectivement introduite par Poincaré, Wikipédia l'attribue à Einstein, ce qui est quand même une escroquerie. Alors, la vraie question, c'est que Poincaré a une antériorité évidente et acceptée par tous ceux qui ont vérifié les choses factuelles, et pourquoi continue-t-on à attribuer à Einstein des choses qui ne sont pas de lui? N'allez pas plus vite que la musique, c'est-à-dire que le directeur de l'émission. Alors, je voudrais d'abord rappeler que avant vous tous, Jean-Paul Offray, Jean Ladic et Jules Leveugle, avant l'article de Jules Leveugle de 1994, il y a eu en 1953 Edmond Whittaker. Alors Edmond Whittaker, il faut quand même dire que c'est un mathématicien, un astronome, un historien des sciences qui fait autorité sur la question de l'histoire de la physique. C'est vraiment le grand, on peut le dire, hein. Jean-Paul Offray, vous êtes d'accord, oui. Whittaker, c'est le grand historien des sciences, celui qui fait autorité sur l'histoire des sciences de la physique jusque dans les années 1950. Et vous savez jusque dans les 20, les années 20, il ne va pas beaucoup plus loin que les... Bon, jusque dans les années 20. 25. Whittaker a écrit donc... Alors, je vais peut-être le dire en anglais, parce que ça n'a pas été traduit en français avec mon accent. « A History of the Theories of Ether and Electricity », ce qui veut dire « Histoire des théories de l'éther et de l'électricité ». Et le deuxième tome qui s'appelle « Les théories modernes »,« The Modern Theories », a été publié en 1953 chez Thomas Nelson. Et que dit Sir Edmund Whittaker? Il dit ceci. Donc, d'abord, il a un chapitre 2 de son livre qui est intitulé « The Relativity Theory of Poincaré and Lorentz », c'est-à-dire la théorie de la relativité de Poincaré et Lorentz. Je dis bien, chers auditeurs, vous avez entendu, le grand historien des sciences, en 1953, celui qui fait autorité sur la question, intitule son chapitre « La théorie de la relativité de Poincaré et Lorentz ». Vous avez bien compris, il n'y a pas Einstein dans le titre du chapitre. Et il ajoute dans son chapitre, c'est encore plus terrible pour les Einsteinolâtres, Einstein a publié un article qui exposait la théorie de la relativité de Poincaré et Lorentz avec quelques développements. On ne pouvait pas être plus clair. Voilà. Donc, comment se fait-il en effet? Et je vais peut-être demander à Marie-Françoise de lire quelques messages, parce que les auditeurs se demandent, mais comment tout cela est-il possible? Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin. Un auditeur, une auditrice, que savent vos invités des travaux du physicien serbe Mileva Maric, qui était la compagne d'Einstein? Notez bien toutes les questions, nous allons entendre le bobino de la fête de la fête de la langue française, et vous répondrez aux questions après ce bobino. Et tout ce qu'il a volé à Mileva sur ses travaux. Il s'est beaucoup servi d'elle, surtout pour les travaux sur la relativité. Un auditeur, dans le numéro hors collection du magazine L'Histoire numéro 34, il y a un titre, le mystère E égale MC2. Vous avez également des articles sur ce sujet. Un auditeur, j'ai sous les yeux un livre de vulgarisation d'algèbre datant de 1962 dans lequel je lis, déjà quelques années avant Einstein, Poincaré avait découvert la théorie de la relativité. Je m'étonne qu'il ait fallu 45 ans pour retrouver cette information. Un auditeur, la première fois que j'ai entendu parler de la non-découverte de la théorie de la relativité par Einstein mais par Poincaré, c'est sur Radio Courtoisie. Les intervenants pourraient-ils nous dire aujourd'hui pourquoi on continue à attribuer à Einstein ce que Poincaré a découvert avant lui? Est-ce fortuit ou est-ce politiquement correct? Alors voilà, nous allons maintenant entendre le bobino de la fête de la Courtoisie et vous aurez le temps, chers amis, de réfléchir aux réponses aux questions. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Jean Ferré a créé le prix Daudet en 1997. Il en fut le lauréat en 2006. Aujourd'hui, pour rendre hommage au fondateur de Radio Courtoisie, le prix Daudet est rebaptisé prix Jean Ferré. Cette année, le prix Jean Ferré sera décerné le samedi 10 novembre lors de la fête de la langue française pour le 20e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Jean Ferré est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le samedi 10 novembre, les adhérents participant au déjeuner éliront, par vote à bulletin secret, celui des 10 noms qui sera proclamé prix Jean Ferré 2007. Vive la langue française. C'est une langue belle, qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Eh bien, chers amis auditeurs, j'espère que vous serez très nombreux, je m'adresse non seulement aux Parisiens, mais à ceux qui sont ailleurs, et qui pourront peut-être venir à Paris pour cette occasion, à la Mutualité le 10 novembre. Alors, je vais vous faire une confidence, le vote est libre, à Radio Courtoisie, encore plus qu'ailleurs, et vous voterez pour qui vous voudrez, mais moi, je vais vous dire pour qui je vais voter, pour ce prix Jean Ferret, ce prix Jean Ferret qui succède au prix d'Odet, je voterai pour Serge de Bekech. C'est un vote posthume. C'est plutôt un vote pour un candidat posthume, mais nous avons déjà adopté cette jurisprudence l'année dernière, puisque Jean Ferret était vivant au début des opérations de vote, et donc nous avons décidé que nous pouvions voter pour quelqu'un qui n'était plus là au moment du second tour, au moment de la fête, du moment qu'il était encore vivant au début des opérations de vote. Et je veux dire que Serge de Bekech était très bon, vous le savez bien, à l'antenne, oralement. Mais si vous l'avez lu, vous savez que c'était un écrivain hors pair dans le style polémiste, bien sûr. Un polémiste hors pair, il faisait des articles extraordinaires, extraordinaires. Et je vous invite d'ailleurs à lire son dernier ouvrage qui s'appelle « Le catalogue des nuisibles », qui est un livre extraordinaire. Il avait un style extraordinairement beau, enfin je veux dire, un style de polémiste qui savait frapper juste. Et c'était un maître de la langue française. Donc, pour ma part, vous êtes libres, chers auditeurs, bien entendu, inutile de vous le dire, mais je voterai pour Serge de Bekech. Voilà, et nous revenons dans le studio, enfin, nous revenons à notre débat. Nous avons quelques questions d'auditeurs. Est-ce que vous voulez ajouter un commentaire ou une réponse à ces questions ou ces observations, chers amis? En ce qui concerne, par exemple, la femme d'Einstein, Mileva Maric, bon, c'est vrai qu'Einstein n'a pas eu une vie maritale très... Oui, mais enfin, bon, ça, c'est son problème. Et justement, il ne faut pas mélanger, à mon avis, toujours les histoires personnelles et l'aspect purement scientifique. Mais il est vrai qu'apparemment, d'après les témoignages d'un savant russe, d'ailleurs, qui recevait les articles pour les annales d'Herphysique. Il a reçu donc l'article d'Einstein, qui était, selon son témoignage, signé Einstein-Maric. Et donc, puis, on a vérifié après qu'il avait fait une erreur. C'était un autre article. Écoutez, à vrai dire, peu importe, ouais, parce que qu'il ait fait l'emprunt avec sa femme ou tout seul, à vrai dire, ce n'est pas franchement l'essentiel. Hein. Alors, moi, j'aimerais que nous avancions un peu, parce que l'heure tourne et que nous avons encore beaucoup de choses à dire et à voir. Alors, avant de nous interroger sur la raison de cette mythification d'Einstein et de cette occultation d'Henri Poincaré, j'aimerais que nous disions quand même un mot, parce que tout le monde a cela dans la tête, sur E égale MC2. Alors, on vous dit, mais Einstein, il n'a peut-être pas trouvé la théorie de la relativité, mais il a trouvé E égale MC2. Alors, est-ce que c'est vrai, Jean-Paul Offray, en deux mots? Alors, répondez par oui ou par non. Oui, mais là, tout est limpide. C'est en 1900 que Henri Poincaré a découvert E égale MC au carré, mais pas en l'écrivant. Bon, alors, d'accord. Alors, maintenant, Jean Ladic a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle E égale MC2, histoire méconnue d'une célèbre formule. Jean Ladic, professeur Jean Ladic, quel est votre diagnostic sur le sujet? Alors, en ce qui concerne Poincaré, j'ai pratiquement chez moi tous les ouvrages de Poincaré. J'ai potassé également à l'université tous ces textes qui pouvaient se rapporter à E égale MC2. On ne trouve aucune trace de la formule E égale MC2. Par contre, Poincaré a démontré l'inertie, effectivement, du flux électromagnétique. Et dans ce fameux exemple où il prend, qu'il appelle un canon électromagnétique, il prend l'exemple d'une émission électromagnétique envoyée par un système. Le système va reculer parce qu'il agit comme un système mécanique normal. Professeur Ladic, je crois que l'article de Einstein, je crois que Jules Leveugle l'a commenté, l'article d'Einstein de 1905 qui parle de E égale MC2, je crois que le professeur Offray aussi l'a commenté, cet article-là n'est pas cohérent sur le plan scientifique et mathématique. Ah, ça c'est effectivement... Professeur Offray, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est tout simple, c'est une tautologie. Donc, en fait, Einstein ne peut pas avoir découvert E égale MC2, puisque son autre article de 1905 sur le sujet est inconsistant. C'est bien cela, Jules Leveugle. Oui, l'article du mois de septembre, c'est-à-dire parvenu à la revue Annalen der Physik au mois de septembre, est bien et bien une tautologie. C'est un physicien américain qui l'a montré très clairement. On le sait maintenant. Alors, écoutez, nous n'avons pas le temps de discuter de E égale MC2 dans le détail. Disons que cette formule très connue n'est sûrement pas attribuable à Einstein, puisque son article fondateur est en fait erroné. Que ce soit Planck ou... Il y a beaucoup plus que ça. Il y a un Allemand, Hasselhoff, qui a précédé... effectivement, Poincaré. Qui a précédé Einstein. Et Einstein, certainement, connaissait cet article. Il a plagié aussi. Alors, Non. Eisenhower n'a pas précédé Poincaré, puisqu'il Einstein n'a pas précédé Einstein, puisqu'il ne donne pas la bonne formule. Oui, mais il s'est trompé dans son raisonnement. Ce qu'on ne peut pas éviter de dire, c'est qu'Einstein a reconnu lui-même qu'il avait... En 1906, il a reconnu qu'il avait emprunté ses idées à Poincaré et que Poincaré avait donné tous les éléments de cette formule. C'est Einstein lui-même qui le dit. Alors, avançons, parce que le temps compte. Moi, j'aimerais, cher Jules Leveugle, alors Leveugle, parce qu'on demande l'orthographe des invités, notamment pour commander leurs ouvrages. Jules Leveugle, ça s'écrit L-E-V-U-G-L-E. Et il a écrit « La relativité, Poincaré et Einstein, Planck, Hilbert, histoire véridique de la théorie de la relativité » aux éditions L'Harmattan, 2004. Alors, expliquez-nous comment, d'après vous, votre hypothèse ou votre théorie, je ne sais pas si avec ce qu'a dit Jean Ladic, Jean-Paul Offray, j'ai le droit de parler de théorie, mais quelle est votre hypothèse? Vous avez découvert, vous pensez avoir découvert une machination. À l'origine, en 1905. En effet. Nous sommes en 1905. Ce n'est pas une hypothèse. Alors là, maintenant, c'est vraiment une affaire policière, quasiment. Hein. C'est tout à fait ça. C'est une affaire plus précisément de juge d'instruction. Alors, vous avez 5 minutes. Alors, j'ai 5 minutes et je ne vais pas en prendre plus. Comme vous allez voir, c'est d'ailleurs fort simple. Je vais d'abord vous demander de vous rappeler une des histoires extraordinaires que raconte Edgar Poe. C'est celle de la lettre volée. Et oui. Ah, c'est une histoire tout à fait fascinante. Il s'agit d'une lettre, probablement qui concerne une dame d'une très grande importance politique. Cette lettre a été volée et elle est détenue par un adversaire du pouvoir en place. Que fait ce pouvoir? Il envoie, il fait exécuter des perquisitions secrètes chez le détenteur supposé de cette lettre. On visite de la cave au grenier, on ouvre les coffres, on sonde les coussins, les fauteuils, on ne trouve rien. Un jour, un personnage se rend chez le supposé propriétaire de la lettre et, profitant d'un moment d'inattention de celui-ci, ouvre un tiroir dans un petit meuble innocent qui s'appelle un bonheur du jour. La lettre était là, mais personne n'avait songé à aller la chercher là, précisément parce que c'était un endroit où elle n'était pas cachée. Eh bien, je dis la même chose maintenant d'un article paru, de ce qui s'est passé en 1998. Je me trouvais alors à la bibliothèque de l'école polytechnique au mois d'août. Il n'y avait personne. Donc j'ai pu accéder à la réserve et j'ai pu voir sur un rayon poussiéreux une collection non seulement des Annalen der Physik, mais de son supplément qui s'appelle By Blätter zu den Annalen der Physik. Sur le coup, je n'ai pas réfléchi. C'est de l'allemand. Ce qui veut dire supplément. C'est-à-dire c'est le supplément de la revue où on publiait les recensions, les analyses de tout ce qui paraissait en physique à cette époque, dans le monde entier. C'est-à-dire essentiellement, bien entendu, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie. Cette revue était méticuleusement complète. Qu'est-ce qui va... J'ai donc constaté la présence de cette revue que je connaissais. Mais ce n'est que deux jours plus tard que je me suis réveillé en sursaut en me disant « Mais il n'est pas possible que Planck, qui dirige cette revue, il n'est pas possible qu'il ait laissé paraître dans cette revue une analyse de la note de Poincaré du 5 juin parce que lui-même, au mois de décembre 1905, a réuni un colloque sur l'article dit fondateur d'Einstein à l'université de Berlin. J'en déduis. Je me précipite. Dès que j'ai cette idée, je me précipite de nouveau à la bibliothèque. J'emprunte les deux volumes de 1905 et 1906 et j'ai aussitôt la preuve. La recension de la note de Poincaré n'avait pas été publiée par les Annalen der Physik et ceci était évidemment dû à Planck. Alors, évidemment, Henri Poincaré était à l'époque le premier mathématicien. Il avait eu le prix Bolyai des mathématiques, je crois. Enfin, bon, c'est un peu après. Bon, un peu après, mais enfin, il était considéré comme le plus grand mathématicien. Tout à fait. Et donc, le fait qu'on ne passe pas de recension dans cette revue de physique allemande d'un article qu'il avait donné... à l'Académie des sciences, était extrêmement significatif. Hein, Paul Devel. C'est totalement anormal. Mais non, c'est anormal, sauf si on veut occulter absolument. Henri Poincaré. Bon. Voilà. Alors, on n'a pas dit, excusez-moi, allez-y, mais rappelez quand même que ça se passe dans un contexte 10 ans avant la guerre. Ça se passe en 19... Allemand, français, physicien, mathématicien, donc il y a beaucoup de... C'est tout un contexte. Nous sommes en 1905. C'est l'époque où apparaître une très forte tension entre la France et l'Allemagne, pour des raisons que je n'épiloguerai pas, mais qui conduisent presque à la guerre. La menace est tellement forte que le ministre français des Affaires étrangères, M. Delcassé, est prié de quitter le gouvernement, parce que sa politique de rapprochement avec la Grande-Bretagne est un casus belli pour l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Il y en a un second que je vais achever très vite, rassurez-vous. Je me trouvais alors, quelques semaines plus tard, à l'université de Jussieu, dans la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait un rayon, un assez grand rayon, consacré à tous les ouvrages de relativité. Ma technique, ou plus exactement ma façon de conduire les choses, c'était de consulter les ouvrages plutôt favorables à Einstein. Parce que je me disais, au moins, ceux-là, ils seront objectifs à l'égard d'Einstein. Ils ne peuvent pas dissimuler des choses qui le concernent. Il y avait parmi eux un ouvrage d'un physicien américain qui s'appelait Pynson, et celui-ci était allé à Göttingen faire une enquête sur la naissance de la relativité à Göttingen, plus particulièrement de la relativité dite générale, mais aussi de la relativité restreinte. Et il avait trouvé dans les archives conservées à Göttingen de Hilbert, les archives manuscrites, il avait trouvé le programme d'un séminaire qui s'était tenu, écoutez bien, en juillet 1905. Juste après l'article d'Henri Poincaré apparu. Et de quoi s'agissait-il? De la théorie des électrons, c'est-à-dire de l'électromagnétisme. C'était de ça qu'il s'agissait. Eh bien, l'auteur qui est pourtant entièrement favorable à Einstein... Allez à la conclusion. J'y vais tout de suite. L'auteur qui est entièrement favorable à Einstein dit, eh bien, dans le programme de travail du séminaire n'ont pas été cités ni le mémoire de Lorentz de 1904 ni la conférence de Poincaré de septembre 1904 où il énonce le principe de relativité ni la note de Poincaré du 5 juin. Voilà. Jules Leveugle, alors voilà. Vous avez fait un travail énorme sur les documents d'époque et votre conclusion, c'est... Ma conclusion, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir une connivence entre Planck, Hilbert et Einstein. Donc votre hypothèse, c'est que... Ma thèse, c'est une thèse plutôt, c'est une thèse d'histoire, n'est-ce pas? C'est pas une hypothèse scientifique. Ne chipotez pas sur le nom de la hypothèse ou thèse, allez-y. Alors, ma thèse, c'est qu'il y a eu une machination entre ces trois hommes et quelques autres de moins d'importance, de manière, d'une part, c'est à Göttingen qu'aurait été rédigé en toute hâte et en toute compétence, à part la faute de calcul, l'article dit fondateur, voilà. que Planck, qui était en relation épistolaire avec Einstein, a lui demandé de signer cet article et qu'il a été publié par Planck. Donc, Jules Leveugle, vous soutenez que ce n'est pas non seulement il y a eu un emprunt, mais que cette opération d'Einstein a été aidée par ce que vous appelez une machination. Ceux qui veulent connaître le détail de vos analyses, vous liront Jules Leveugle, la relativité, Poincaré, Einstein, Planck, Hilbert, histoire véridique de la théorie de la relativité chez l'Harmattan. Alors, maintenant, la vraie question, c'est de savoir comment une telle imposture, appelons les choses par leur nom, il faut dire les choses telles qu'elles sont, comme on peut dire, a pu prospérer si longtemps, Jean Ladic. Comment est-ce que, indépendamment de la théorie de la... Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer dans ce débat trois propositions. La première proposition, c'est l'antériorité de Poincaré par rapport à Einstein. Poincaré a trouvé a énoncé la théorie de la relativité avant Einstein. Deuxièmement, ça pourrait être des découvertes indépendantes, comme il en arrive parfois dans les sciences. Alors, la deuxième proposition, soutenue également par vous, par Jean-Paul Offray, qui est toujours en ligne, je pense, oui. Oui, mais moi, je vous donnerai une version différente. Bon, qui est toujours en ligne. Et Jules Leveugle, c'est la proposition de l'hypothèse de l'emprunt. C'est-à-dire qu'Einstein n'a pas travaillé indépendamment, il a emprunté, sans le dire, l'essentiel de ses idées sur la relativité à Poincaré. Et la troisième proposition, qui est particulière à Jules Leveugle, c'est une explication dans la manière dont ça a pu se passer. Alors, laissons de côté cette troisième proposition, qui est intéressante, mais revenons sur l'essentiel, qui est ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment est-ce que, si on admet qu'il y a bien antériorité de Poincaré et qu'il n'y a même pas originalité d'Einstein, comment est-ce que ça a pu, cette imposture a pu perdurer ? Ah ben j'ai quelques détails là-dessus. La première chose, il faut mentionner quand même pour les auditeurs que Poincaré est mort très jeune. Il est mort en 1912, il avait 58 ans, il est mort d'une maladie foudroyante et il n'a pas été là pour défendre son œuvre scientifique. Alors que, si vous voulez, nous rappelons que la découverte de la relativité, officiellement, c'est en 1905. La deuxième chose, c'est que vous avez un certain nombre d'auteurs, comme je citerai Paul Langevin, qui d'ailleurs était avec Henri Poincaré au congrès de Saint-Louis. Eh bien, Paul Langevin a fait, dans son enseignement au Collège de France après, des enseignements où il ne faisait pas beaucoup référence à Poincaré. Et alors, peut-être que là-dedans, il y a, des aspects politiques, parce qu'il faut se souvenir que Henri Poincaré était quand même le cousin de Raymond Poincaré, et Paul Langevin n'était pas spécialement un homme de droite, mais Raymond Poincaré n'était pas spécialement un homme de gauche. Donc. Alors, l'heure tourne, là vraiment il nous reste, parce que nous avons des annonces à faire, notamment il faut parler du procès Leveugle. Est-ce que vous pouvez, Jean-Paul Offray d'abord, ensuite Jean Ladic, ajouter un mot, comment est-ce que l'occultation de Poincaré, la mythification d'Einstein ont-elles été possibles en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez dire, Jean-Paul Offray? Alors, en deux mots, il faut bien comprendre que Einstein avait une conviction très profonde qu'il ne croyait pas au libre arbitre, il pensait qu'il était choisi par le destin pour faire connaître au monde, un peu comme Newton aussi d'ailleurs, les découvertes faites par d'autres. Et si vous regardez ce qu'il a fait, il a pris toute une série de découvertes faites en 1900, elles ont été publiées sous son nom, et il était donc honnête, à mon avis, à ce point de vue, puisque c'était une croyance très profonde. Il croyait en Spinoza, il faut bon. Trouver des vérités. Nous pardonnons à Einstein, c'était un plagiat honnête. Alors, merci Jean-Paul Offray. Jean, merci de cette contribution au débat. Jean l'a dit, comment est-ce que c'est possible ? En fait, il y a eu, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais non. Il y a eu quand même la relativité générale ensuite, qui a été, à mon avis, en partie quand même l'œuvre d'Einstein. Pas de Hilbert. Si, mais Einstein, quand même, en 1907, a déjà publié le principe d'équivalence. Bon, mais enfin, ça, on en discutera pas. Et cette relativité générale a eu un écho mondial. C'était juste après-guerre. et à une espèce de phénomène mondial. Et ensuite, Einstein a eu le sens en fait, des relations publiques. Il a fait des tas de conférences dans le monde entier. Donc, en fait... Donc, le génie... Alors, vous me faites penser, d'ailleurs, cher Jean Ladic, à une formule de notre ami Le Gallou dans le site Polémia, qui a intitulé son commentaire de la chose, « Centenaire de la relativité, Poincaré, génie de la physique, Einstein, génie de la com ». Voilà. Ça peut résumer un peu les choses. Alors, nous allons maintenant, il nous reste quelques minutes, parler de quelques événements importants qui se produisent. Alors, le premier événement important qui se produit, cher Jules Levesque, c'est votre procès. Alors, chers auditeurs qui vous intéressez à la physique, qui vous intéressez à la liberté de la pensée, il faut que vous sachiez que Jules Leveugle a fait un travail, qu'on peut toujours contester comme tout travail, mais un travail d'érudition, et un travail incontestablement honnête et extrêmement sérieux, auquel il a consacré plusieurs années de sa vie, et qu'il a été violemment diffamé, calomnié en termes injurieux et scandaleux dans la revue « Pour la science », par un certain Jean Eisenstadt, qui fait partie des sectateurs d'Einstein, du club des sectateurs d'Einstein. Du coup, très logiquement, notre ami Jules Leveugle, ici présent, a attaqué Eisenstadt en diffamation. Alors, c'est quand même extraordinaire ce qui a été décidé en première instance, parce que, cher Jules Leveugle, vous avez été débouté. Pourquoi ? Parce que on a dit, Jean Eisenstadt accuse Jules Leveugle d'être un faussaire et d'avoir falsifié l'histoire de la relativité. Certes, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ce qu'il dit. Aucune preuve. Mais après tout, c'est le débat. C'est le débat des idées, donc on peut dire ce qu'on veut. Ça n'est pas très grave. En gros, je résume à peine. N'entrons pas davantage dans les détails. Alors, ce procès a lieu en appel devant la Cour d'appel de Paris, la 11e chambre correctionnelle, le mercredi 31 octobre 2007 à 13h30. Au Palais de justice de Paris, 4 boulevard du Palais, Paris, 1er arrondissement, mercredi 31 octobre 2007 à 13h30. Jules Leveugle, vous serez présent à votre procès. Bien entendu. Je pense que vous serez content que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui vous ont entendu viennent vous soutenir, surtout s'ils s'intéressent à la science. Ce sera très intéressant. Alors sachez, chers auditeurs, quand même, que vous n'êtes pas censé manifester votre... sympathie bruyamment au cours d'une audience, il faut respecter la justice, même si malheureusement elle n'est pas toujours respectable. Voilà, mercredi 31 octobre, 13h30, cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle. Deuxièmement, un autre procès, alors qui n'a strictement rien à voir, je change complètement de sujet même, désormais. J'avais la semaine dernière parlé au téléphone avec Anne-Laure Mahler d'un des procès sur l'avortement qui ont lieu actuellement. C'est un procès que fait le maire député RPR de Versailles, Étienne Pinte, à Anne-Laure Mahler, présidente du COVERVI, ce qui veut dire Comité de Versailles des Environs pour la défense de la vie humaine innocente et de la famille authentique. Et donc, Monsieur Étienne Pinte reproche à Madame Anne-Laure Mahler d'avoir expliqué dans un tract qu'il avait voté l'avortement, ce qui pourtant n'est pas contesté. Et donc le procès a lieu devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles, le lundi 19 novembre 2007, et non pas en décembre, comme nous l'avions dit par erreur la dernière fois. Donc si vous voulez soutenir Anne-Laure Mahler et le COVERVI, c'est le lundi 19 novembre 2007, à 14h, tribunal de grande instance de Versailles, 6e chambre correctionnelle, 5 place André Mignot, Versailles, Yvelines. Marie-Françoise. Oui, encore deux annonces. La 17e marche pour la vie organisée par Renaissance catholique aura lieu à Paris le samedi 13 octobre 2007. Une marche au flambeau de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre aura lieu. Le rendez-vous est fixé à 17h30 devant Notre-Dame des Victoires au métro Bourse, place des Petits Pères, Paris 2e. La fête de Renaissance catholique aura quant à elle lieu le 2 décembre à Villepreux. Non loin, donc dans les Yvelines, non loin de Versailles. Et enfin, la 23e université annuelle du Club de l'Horloge, portant sur le thème « Les collectivistes contre l'environnement, les véritables enjeux du débat écologique », cette université aura lieu les samedis 13 octobre et le dimanche 14 octobre dans les locaux de l'ACIEM, 6 rue Albert de l'Apparent, Paris 7e. Avec la participation de deux ou trois patrons d'émissions de Radio Courtoisie, François-Georges Dreyfus, Dominique Venner, qui est responsable d'émission, et moi-même. Et le sujet, c'est donc une contestation qui n'est pas complètement différente dans son esprit de ce que nous avons dit aujourd'hui, du discours dominant sur l'écologie. Et d'ailleurs, on retrouve le même Claude Allègre qui vient de sortir un livre fort intéressant qui s'appelle Ma vérité sur la planète, et qui explique qu'on nous raconte beaucoup de sottises à propos de ce sujet. Je crois d'ailleurs que vous êtes un spécialiste aussi de ce sujet, Paul De Vels. Enfin bon, à mon avis, on raconte beaucoup d'erreurs sur l'écologie, et je résumerai en disant il est peut-être incontestable que la Terre se réchauffe, mais on observe le même réchauffement sur les satellites de Jupiter, où il me semble qu'il n'y a pas de 4-4, il n'y a pas d'émission de gaz carbonique. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut y faire quelque chose ou non. Alors, venez nombreux, chers auditeurs, donc inscrivez-vous au 01 42 94 14 14, 01 42 94 14 14, au Club de l'Horloge. C'est samedi prochain, 13 octobre, et dimanche prochain, 14 octobre. Je voudrais quand même citer à nouveau les ouvrages de nos amis. Alors, Jean-Paul Offray, Einstein et Poincaré sur les traces de la relativité, édition du Pommier. Jean-Paul Offray encore, Comment je suis devenu Einstein, la véritable histoire de E égale MC2 aux éditions Carnot. Jean Ladic, alors je répète que ça s'écrit H-L-A-D-I-K, Comment le jeune et ambitieux Einstein s'est approprié la relativité restreinte de Poincaré aux éditions Ellipse. Et Jules Leveugle, La relativité, Poincaré et Einstein, Planck, Hilbert, Histoire véridique de la théorie de la relativité chez Larmatant. Alors, chers auditeurs, quand vous aurez lu ces quatre ouvrages, eh bien, vous saurez beaucoup de choses, beaucoup plus que nous ne pouvions en dire dans cette émission. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, je vous donne rendez-vous sur un sujet complètement différent. Nous allons parler de Brecht.